Question 26. Je dois m'arrêter si je vais tout droit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je tourne à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.